الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتي دون بوان نيميرو 110، سي سا؟ أرفي على موتي بو 5 بوان كي أن بتي بو لون. كونسيرنون لا كيستيون كون أفي لا دانييغ فوا، Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il lui est parvenu, Cheikh Jaz al-Johani, je vais demander avant, il m'a dit, il lui est parvenu que Ali, radiyallahu anhu, a brûlé al-Saba'iyya, al-Rafidah, et donc il a blâmé. Donc c'est après que la chose elle s'est passée qu'il a parlé, c'est pas avant. Hadi mas'ala. Deuxième, al-Firaq. Donc Ali, il savait pas cette, il n'avait pas cette information. Il avait ou il n'avait pas, Allahu a'la wa a'la. Lakin l'information lui est parvenue après, c'est-à-dire Ibn Abbas, c'est seulement après, comme c'était cité dans le passage, Balagha dhalika Ibn Abbas, juste la page précédente. Fa'ahraqahum, fa'balagha dhalika Ibn Abbas, fa'qala law kuntu ana lam uhriqhum, inahi ya Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Amma hal kan ya'lam al-hadith ou la, je ne sais pas. Lakin les paroles d'Ibn Abbas sont apparues que après l'action. Thani, c'est quoi les sectes qui sont apparues à l'époque des compagnons? Donc je vous avais dit dessus Al-Khawarij. Al-Khawarij, puisque Dul Khawaisira al-Tamimi, alayhi min Allah ma yistahiq, zahar à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est lui le fondateur des Khawarij. Je vous avais dit Al-Qadariya, puisque à la fin de la vie d'Ibn Umar, il a dit à propos des gens qui sont venus de l'Irak, informez-les que je suis Ibn Umar, les désavoue et que eux le désavouent. Le Cheikh m'a rajouté Rafida. Waqa'a dhalika fi ahdi Ali, puisqu'on a justement ce récit-là avec Saba'iyya, donc les gens que Ali radiallahu anhu il a brûlé. Donc c'était à l'époque de Ali, hein, très logiquement. Khawarij, Rafida, Al-Qadariya. Le Cheikh m'a dit ces trois sectes-là. Taïb. Donc on est à la page 76, pour ceux qui ont la même impression que moi. D'autres, vous avez quelle page? 64. Brahim, t'as trouvé? Oui. C'est bon, t'as la bonne page? Oui. Donc on a le firqatul thalitha, firqatul khawarij. Donc on a la troisième fraction qui est al khawarij. On a vu al shi'a, al firqatul oula al shi'a, al firqa al thaniya, on avait vu al qadariya, al jibriya. C'est ça? C'est ça? Maintenant, le firqa thalitha, la troisième secte, c'est le khawarij. Il dit, Cheikh Salah al-Fawzan, sallamahu Allah min kulli sunn wa makruh, قال, الذين يخرجون على ولي الأمر المسلم. Les khawarij, ce sont les gens qui se rebellent sur les autorités, sur le gouvernant musulman. ويشقون على الطاعة. C'est-à-dire, ils refusent de prêter allégeance ou ils refusent de prêter obéissance. وَيُكَفِّرُونَ بِالْكَبَائِرِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ. Il déclare l'auteur d'un grand péché comme étant un mécréant, quelqu'un qui est hors de l'islam, quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fait la fornication, qui fait le riba, etc. Ils disent c'est un kafir, c'est pas un musulman. وَيَسْتَحِلُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ. Et ils disent que le sang des musulmans est halal, c'est-à-dire que tu peux tuer à tort et à travers. وَهُمْ أَهْلُ الْغُلُوِ وَالتَّطَرُّ فِي الدِّينِ. Donc ce sont des exagérateurs, ce sont des extrémistes dans la religion. عندهم دين وعندهم عبادة وعندهم خوف من الله. Ce sont des gens qui ont une religion, sont attachés à une religion, ils sont attachés à l'adoration, ce sont des adorateurs. Ils craignent Allah également. D'ailleurs, ils ont exagéré dans ce domaine, c'est pour ça qu'ils se sont perdus. صيام وقيام وتلاوة قرآن ولكن على غير فقه. Donc ce sont des gens qui jeûnent en abondance et qui se lèvent la nuit pour prier, même la journée, qui récitent le Coran en abondance, mais ils n'ont pas de compréhension de la religion. Ils n'ont pas de clairvoyance. C'est pour ça qu'ils se sont égarés. Parce que le firaq, les sectes, elles se sont égarées à cause de la compréhension. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit dans Nouniya, à propos de l'Khawarij, ça veut dire, ils ont des textes sur lesquels ils se sont attachés, mais ils n'ont pas été à la hauteur de la compréhension. Donc, leur problème a eu attrait, le problème qu'ils ont eu, il a attrait à quoi? Taqsir fil irfan, à la mal compréhension ou la faiblesse dans la compréhension. Naam. Donc, le Cheikh dit que ce sont des gens adorateurs, ils ont des bons côtés, bien entendu. Mais le côté qui est mauvais et qui a engendré leur perdition, c'est la compréhension. ولذلك ضلوا وشقوا عصا الطاعه وخرجوا على امير المؤمنين علي بن ابي طالب. Donc ils se sont rebellés contre le prince des croyants, c'est-à-dire le gouvernant à cette époque-là, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, Abu al-Hassan. Wa hasalat lahu ma'arik ma'ahum. Il a eu des batailles avec eux. Wa nasarahu Allah alayhim. Allah il a secouru sur eux. Il a eu la victoire sur eux. Wa ma zalu yakhrujun ala wulat al-umur. Ils ne cessent de se rebeller contre les autorités, les gouvernants musulmans. Wa yastahilluna dima' al-muslimin wa yukaffiruna bil kaba'ir allati dun ash-shirk. Donc, ils ne cessent de déclarer le sang des musulmans licite et ils déclarent l'auteur de grands péchés comme étant kafir, comme étant un mécréant. Wa yusammuna bil wa'idiyya. C'est ce qu'on appelle les adeptes de la menace, al-wa'idiyya, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup utilisé les textes où Allah cite que celui qui fait ça, il sera en enfer éternellement. Ils ont fait primer le côté où il y a la peur. Naam. لأنهم يعملون آيات الوعيد من غير فرق بين كبيرة الشرك والكفر وكبيرة المعاصي كل أصحابها كفار عندهم. Ils utilisent en abondance les textes qui contiennent la menace. Celui qui fait ça, il est menacé de la malédiction, il est menacé de l'enfer, il est menacé de kada. Et il ne différencie pas entre eux. Le plus grave des péchés, qui est la tête des grands péchés, qui est le shirk et le kufr, c'est-à-dire la mécréance, le polythéisme, et ce qui suit, c'est-à-dire les grands péchés qui sont moindres que cela, et qui ne font pas en réalité sortir de l'islam, et eux, ils mettent tout dans un même sac. وَلَا يَكْفِي أَنَّهُمْ يُكَفِّرُونَهُمْ بَلْ يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَهُمْ وَيُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ. Donc, ils ne se limitent pas à les déclarer mécréants, mais ils rendent leur sang halal, c'est-à-dire les considèrent comme des non-musulmans, des apostats, et ils combattent les musulmans. وَلَا يُقَاتِلُونَ الْكُفَّارِ. Et ils ne combattent pas les mécréants de base. وَلِهَذَا قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي وَصْفِ صِفَتِهِمْ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ رواه البخاري ومسلم حديث أبي سعيد الخدري. Donc il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, le khawarij, il tue les adeptes de l'islam et il laisse les adeptes des idoles. Les gens qui sont en réalité musulmans et qui ont des amoindrissements, des faiblesses, il les tue. Et les gens qui sont les adorateurs des idoles, des kuffars de base, il les laisse. فَمَا ذُكِرَ أَنَّ الْخَوَارِجَ قَاتَلُوا الْكُفَّارَ أَبَدًا. Ce n'a pas été cité que le khawarij, ils ont combattu des kuffars. Jamais. وَإِنَّمَا يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ فِرَقٌ بَعْضُهَا أَشَدُّ مِنْ بَعْضٍ. Et dit donc, le Khawarij, il y a différentes sectes, et certaines sont plus graves que d'autres. Al-Haruriya, Al-Ibadiyya, Al-Khawarij Al-Asliya, Al-Khawarij Al-Qa'idiyya. Il y a plusieurs sortes de Khawarij, certains qui sont pires que d'autres. Al-Firqatu al-Rabi'a, tuqabilu firqat al-Khawarij, wa hum al-Murji'a. Quatrième secte. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déclaré ça, et parce que justement ils sont égarés, c'est-à-dire qu'ils délaissent les gens qui sont mécréants de base et ils déclarent mécréants les gens qui sont encore dans la sphère de l'islam. Allah alam, je sais que ils se rebellent, yani, sur les autorités musulmanes et tout ce que le cheikh a cité ici, mais que les kuffars de base, c'est pour ça les ulama ils ont parlé sur le Dajjal hada Abu Qatada qui est en Angleterre. Harb al-Muslimin, ou bien Saad al-Faqih, ou bien Mohamed al-Mas'ari, ils rebellent les gens contre les autorités, notamment ceux qui sont saoudiens parmi eux, contre les autorités saoudiennes ou les autorités musulmanes, ou bien l'Algérie avec ce qui s'est passé. Fatawa, le Cheikh Abd Malik, il a un livre complet sur Abil Qatad. Il l'a appelé Abil Qatad au lieu de Abil Qatada, parce que Abil Qatad, le Qatad, fait l'arabie al-Fusha, c'est les épines. C'est quelqu'un d'épineux, c'est quelqu'un qui veut char. Le Cheikh Rabi al-Madkhali a dit sur cet homme, il fait partie des plus pires des créatures qui sont sur la terre de nos jours. Donc c'est des poisons vivants qui, les kuffars de base, ils ne parlent pas sur eux et qui parlent sur les gens qui sont encore dans la sphère de l'islam malgré les amoindrissements qu'ils ont. Plutôt il se réfugie chez eux. Voilà, justement. Il a un problème dans son pays, il va se réfugier en Angleterre. Wallahu a'lam. Naam, il dit al-firqa ar-rabi'a tuqabilu firqat al-khawarij wa hum al-murji'a. Donc la quatrième qui est totalement l'opposé de l'Khawarij. Khawarij, ils ont exagéré dans la peur, les textes sur la peur. Mais la quatrième c'est al-murji'a. Donc les murji'a alladhina yanfuna yanfuna dukhul al-a'mal fi al-iman, ce dont on a parlé hier, pas plus tard qu'hier, qui renie que les actes rentrent dans l'iman. Donc al-khawarij ils sont durs et les murji'a ils sont trop simplés. Yaquluna al-'amal la yadkhulu fi al-iman. Ils disent les actes ça ne rentre pas dans la foi. C'est juste parole avec la langue à la tabaqat. Il y en a qui disent que c'est le ma'rifa comme le jahmiya, d'autres qui disent que c'est le tasdiq, d'autres qui disent que c'est parole avec la langue, et d'autres qui disent que c'est parole et conviction avec le cœur. Mais en tout cas, aucune des quatre de Murji'a ne font rentrer les actes dans la foi, ce qui est faux, puisque Ahl-Sunnah ils disent que c'est les trois ensemble, la conviction dans le cœur, la parole avec la langue et les actes avec les membres. فَالْإِنسَانُ مُؤْمِنْ وَلَوْ لَمْ يَعْمَلْ. Chez eux ils disent, t'es croyant même si tu ne fais rien, tu ne fais aucun acte. وَلَوْ تَرَكَ الْعَمَلْ كُلَّهُ فَهُوَ مُؤْمِنْ سُمُّ مُرْجِئَةً مِنَ الْإِرْجَاء وَهُوَ التَّأْخِيرُ. On les a nommés Murji'a, ça vient de l'Irja, qui est le fait de retarder la chose. C'est-à-dire, ils ont dit que les actes ne rentrent pas dans l'Iman. Ils ont dit l'Iman il est là, les actes on les retarde, on ne les fait pas rentrer dans cette appellation-là. لِأَنَّهُمْ أَخَّرُوا الْعَمَلَ عَمْ مُسَمَّ الْإِمَانِ وَهُمْ فِرَقٍ. Donc le Murji'a également, c'est une tête de secte de laquelle a découlé différentes sous-familles, si on peut dire ça. أَشَدُّهُمْ الْجَهْمِيَّةِ الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة في القلب فإذا عرف بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعتقد. Donc la plus grave d'entre elles c'est Al-Jahmiya. Donc c'est une attribution Al-Jahm ibn Safwan Al-Tirmidhi, mais en réalité cette aqida elle vient de, on a dit, de Al-Ja'd ibn Dirham. Al-Ja'd ibn Dirham qui a donné cette conviction Al-Jahm ibn Safwan puisqu'il a été exécuté. Al-Jahm ibn Safwan c'est lui qui l'a propagé. Le Cheikh dit la plus grave d'entre elles, c'est Al-Jahmiya. Ils disent que quoi, l'iman, c'est juste la reconnaissance. Tu reconnais avec ton cœur, même si tu n'as pas la conviction. Et donc, sur cette définition, comme ils disent les ulama, Fir'aun, c'est un muslim, mu'min, al-shaytan, muslim, mu'min, ru'us al-tawarit, les plus grandes têtes de mécréance qu'il y a pu y avoir sur la terre ou ailleurs, ce sont des croyants, puisqu'ils ont reconnu. Puisque shaytan, dans le Coran, dans différentes sourates, quand il s'adresse à Allah, il dit « Rabbi ». Mon Seigneur, il reconnaît qu'Allah c'est son Seigneur. Donc ça c'est une conviction qui est totalement erronée. Al-firqatu al-thaniya min al-murji'a al-ash'ara. Deuxième secte c'est al-ash'ara alladhina yaquluna al-iman huwa al-i'tiqad bil-qalb. Deuxième secte c'est al-ash'ara qui disent que c'est conviction, al-iman c'est juste conviction avec le cœur. Wa la yadkhulu fihi qawlu al-lisan. Les paroles avec la langue ne rentrent pas dedans. Wa la amalu al-jawarih, ni les actes avec les membres. Yakfi annahu ya'taqidu bi-qalbihi faqat. Juste tu as la conviction avec le cœur et c'est bon. الفرقة الثالثة الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو النطق باللسان ولو لم يعتقد بقلبه. الكرامية qui disent que l'iman c'est prononcé avec la langue. Même s'il n'a pas la conviction dans son cœur, c'est quand même un croyant. الفرقة الرابعة مرجئة الفقهاء. Donc ils sont les hanafites. Ils disent الذين يقولون الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان ولو لم يعمل. Donc ce sont ceux qui sont plus proches de la sunna, mais ils ont un amoindrissement quand même, puisqu'ils disent c'est conviction avec le cœur et parole avec la langue, mais même si tu n'œuvres pas, tu es quand même croyant. كلهم يتفقون على أن العمل لا يدخل في الإيمان لكن يختلفون في مذاهبهم في عمل القلب وقول اللسان. فالخوارج غلوا في إدخال العمل في حقيقة الإيمان. Les khawarij, ils ont exagéré en faisant entrer l'acte dans l'Iman, ce qui est juste, mais le problème c'est que eux, ils disent que si jamais tu fais un grand péché, tu en sors de l'iman. Taïb, wa qalu man taraka al-amal yakfur mutlaqan. Donc eux, ils ont dit, celui qui délaisse ses actes, il devient mécréant à l'absolu. Wa al-murji'a al-aks, ghalaw fi nafi al-amal an haqiqati al-iman. Wa qalu la yakfur man taraka al-amal mutlaqan. Al-murji'a, c'est le contraire. Ils ont dit, celui qui délaisse tous les actes, il ne sort pas de l'islam malgré cela. أما أهل السنة والجماعة والحمد لله قد هداهم الله إلى الحق كما قال تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الشيخ dit que أهل السنة والجماعة, donc c'est la fraction médiane dans tous les domaines, ولله الحمد, ils ont médiane dans tous les domaines, Et à ce sujet-là, Allah dit dans le Coran, sur ceux justement qui ont été médians, puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Surat 2, verset 213. فيقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان chez أهل السنة c'est parole avec la langue, conviction avec le cœur, acte avec les membres. Il augmente avec l'obéissance et baisse avec la désobéissance. لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا. Mais l'Iman ne disparaît pas à l'absolu si tu délaisses les actes. كما تقوله الخوارج. Comme le disent les خوارج. ولا يبقى مع زوال العمل كله كما تقوله المرجئة. Et si quelqu'un il ne fait aucune œuvre également, l'iman ne reste pas, il disparaît. Mais ça c'est le murji'a qui dit ça. Ils disent même si tu fais aucun acte, tu es mu'min, il n'y a pas de problème. بل من العمل ما تركه كفر كترك الصلاة. Il y a des actes que si tu délaisses c'est de la mécréance, comme les délaissements de la prière. ومن العمل ما تركه كبيرة من كبائر الذنوب لا يقتضي الكفر. فهذا هو التفصيل الذي عليه أهل السنة والجماعة والحمد لله. Il y a d'autres actes que si tu délaisses, ça ne te fait pas sortir obligatoirement de l'islam. وهو يجمع بين آيات الوعد التي تمسك بها المرجئة. Et il dit, Ahl al-Sunnah, ils réunissent les deux textes. Les textes qui incitent vers le fait de faire, et là où il y a des promesses, des bonnes promesses. وآيات الوعيد التي تمسك بها الخوارج. Et ils réunissent également les textes où il y a des menaces. Et ils en sortent une conviction. فأهل السنة والجماعة يجمعون بين آيات الوعد وآيات الوعيد. Ahl al-Sunnah, ils réunissent les textes, puis ils en sortent une preuve. Ils en sortent une conclusion. ويفسرون بعضها ببعض. Et ils expliquent les unes, les textes, les uns avec les autres. ويقيدون بعضها ببعض. فيردون المتشابه إلى المحكم. Donc, ils expliquent les textes les uns avec les autres, et détaillent les uns avec les autres, et ramènent les textes équivoques vers les textes qui sont clairs. ويعملون بالجميع. Et ils utilisent tout. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Et ils disent, tous ces versets-là, toutes ces informations-là, nous viennent d'une seule source, ça vient, tout ça, ça vient d'Allah. Surat 3, verset 7. J'ai compris là, la parole de Khawarij, là. Tout en haut, après le verset. Ma'anish nafsallah, taba'a. Ba'ad ay ayah. فَيَقُولُونَ الْإِمَانِ قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَاعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ. هذا قول أهل السنة وليس قول الخوارج. C'est les paroles d'Ahl al-Sunnah, هذا. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لكنه لا يزول بزوال العمل مطلقا كما تقوله الخوارج. الخوارج dit si tu n'œuvres plus, l'iman il disparaît à l'absolu. Tu délaisses un acte, l'iman il disparaît à l'absolu. C'est par rapport à un acte. Non. Mais nous, si il délaisse tous les actes. Tu délaisses tous les actes, si jamais tu dis que l'iman il reste, tu es mordi. Le cheikh il te dit qu'il y a des actes que si tu délaisses c'est mécréance, d'autres actes que si tu délaisses c'est pas mécréance, tu vois. Mais c'est pas l'absolu comme ça comme eux ils utilisent. Il y en a un qui est à l'extrême droite et l'autre est à l'extrême gauche. Et le sunnah, il détaille. Femme Fik. هذه هي الفرق التي تشعبت منها فرق كثيرة. ومن أراد أن يطلع على ذلك فليراجع كتب الفرق. Donc il dit, voilà, en résumé, les sectes desquelles ont découlé les autres sectes. Les sectes de base. Hein? Et celui qui veut plus de détails, qu'il revienne aux livres qui ont traité les sectes en détail, comme Al-Milal wa-Nihal, Al-Shahrastani, Al-Milal wa-Nihal, Al-Shahrastani, qui a des ta'liqats de l'imam Ibn Hazm, Al-Firq bayna Al-Farq bayna Al-Firq, la différence entre les sectes, li Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Mutwaffa 463 min Al-Hijra, Maqalat Al-Islamiyin, wa Ikhtilaf Al-Musalliyin, li Abi Al-Hassan Al-Ash'ari, Maqalat al-Islamiyin wa Ikhtilaf al-Musalliyin. Donc ça c'est le livre de Abu al-Hassan al-Ash'ari, celui qui a écrit al-Ibana, celui qui a taraja' an madhhabihi, celui qui a à qui on attribue al-Ash'ara aujourd'hui. Al-Fisl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal. Al-Nihal c'est pas al-Nahal. Al-Nihal c'est un groupe. C'est mon maktaba al-Fisl. Fisl al-Nihal, أظن. فيصل من النحل فيصل لعله جمع ولا لا فصل الفصل الله أعلم. لابن حزم فإنهم ذكروا هذه الفرق وتشيعاتها وتشعيباتها وتفرقاتها. Donc ils ont cité ces sectes-là et des détails à leur sujet et les différentes tasha'ubat, c'est-à-dire les sous-familles qui se sont formées et comment ça s'est propagé. وما أحب أن طالب العلم المبتدئ يدخل في هذه الاختلافات. Le cheikh dit, je ne souhaite pas qu'un étudiant qui est au début, qui est débutant, rentre dans tous ces détails. لئلا يتشوش فكره, car il va se perdre. Il va se perdre et il va mélanger les choses les unes avec les autres. لكن العالم المتمكن لا بأس أن يطلع عليها. Mais quelqu'un qui est enraciné dans son savoir, il n'y a pas de mal qu'il regarde ça et qu'il étudie ça de manière rapide ou bien profonde. قول المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري إدي رحمة الله عليه وكلها في النار إلا واحدة. Toutes ces sectes là sont en enfer sauf une. كلها بتشعباتها في النار. Toutes ces sectes là avec les familles et sous-familles sont en enfer. لأنهم اتبعوا الهوى, car ils ont suivi la passion. وتركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو النجاة. Ils ont délaissé ce sur quoi était le messager صلى الله عليه وسلم et ses compagnons, qui est la voie de sauvetage. لكن كونهم في النار, لكن كونهم في النار لا يقتضي أنهم كلهم كفار. C'est pas parce qu'ils sont en enfer qu'ils sont mécréants. فالنار قد يدخلها العاصي ولو لم يكن كافرا. Ça c'est connu que l'enfer, le pécheur, il peut rentrer en enfer même s'il n'est pas, il n'est pas mécréant. دخولا مؤقتا ثم يخرج من النار. ثم يخرج من النار. Il va rentrer مؤقتا, ça vient de وقت. Il va rentrer pour une durée provisoire. Et ensuite, on va le faire sortir. يخرجوا. On va le faire sortir de l'enfer. نعم. أما من كانت مفارقته مكفرة فإنه يكون خالدا مخلدا في النار. Par contre, celui qui a une مخالفة, c'est-à-dire quelque chose qui fait sortir de l'islam, puisque le bid'a la qismain, il y a le bid'a qui fait sortir de l'islam, la bid'a qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, celle qui fait sortir de l'islam, si la personne elle est considérée après ça comme étant mécréante, donc elle sera éternellement en enfer. وَالْعِيدُ بِاللَّهِ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ مَنْ آمَنَا بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابُ وَاعْتَقَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ فِي قَلْبِهِ وَلَا شُكُوكٍ. Donc il dit, ceux qui croient en ce qu'il y a dans... T'as pas la traduction, non? Si. Mais bon, voilà. Celui qui croit en ce que renferme ce livre, chaque sunna, il croit fermement sans hésitation ni doute. هذا الكتاب الذي هو شرح السنة للبربهاري إنما هو توضيح لما في الكتاب والسنة. Donc il dit ce livre là, qui est l'explication de sunna de l'imam al-Barbahari, c'est une explication de ce que contient le Coran et le sunna, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وذكر لأصول أهل السنة والجماعة. فهذا الكتاب كما سماه شرح أصول أهل السنة والجماعة. Donc il dit, c'est une explication, les fondements qu'il y a dans le Coran, les fondements des adeptes de la Sunna et du consensus. Il dit, ce livre-là, il l'a nommé Explication des fondements des adeptes de la Sunna et du consensus. Toutes ces informations-là, elles ont été prises du Coran et de la Sunna et ce sur quoi étaient les prédécesseurs de la droiture, prédécesseurs qui étaient sur la guidée. Min ghayri ribatin fi qalbihi. Il croit fermement sans hésitation ni doute. أما من كان يظهر الإيمان بأصول ولكن عنده ريبة في قلبه أو شك في قلبه هذا لا يكون مؤمنا يكون مرتابا والعياذ بالله مترددا. Donc il dit, celui qui fait apparaître l'Iman, la foi, en ces fondements-là, mais en vérité il a des doutes dans son cœur, il n'est pas apaisé dans son cœur, il ne sera pas croyant réellement, mais il sera murtab. Murtab, ça vient de raib, c'est-à-dire quelqu'un qui est douteux, qui doute, mutaraddidan, hésitant. Wa yakunu min ahli an-nifaq, fera partie des adeptes de l'hypocrisie. Fala budda an yusaddiqa bi qalbihi kama yaquluhu ma yaquluhu lisanuhu min al-haqq fa huwa la yaqsid rahimahu Allah tazkiyata kitabihi kama yadhunnuhu ba'dhum. وإنما قصده tazkiyatu ma tadammanahu min usul ahli sunnah wal jama'ah. Donc il dit, il faut que le cœur et la langue soient en harmonie. Et il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, puisque là il fait l'éloge de son livre, en disant, ce qu'il y a dans ce livre-là, celui qui a la conviction de ce qu'il y a dans ce livre-là, sharh as-sunnah fa huwa ala khair. Donc il dit que, Cheikh Al-Fawzan, faqahullah, il dit que, il ne cherche pas à faire l'éloge de son livre, comme certains pourraient le penser, mais à faire l'éloge de ce que contient son livre, c'est-à-dire comme fondement les adeptes de la sunna, etc. قَوْلُهُمْ فَهُوَ صَاحِبُ السُنَّةٍ وَهُوَ النَّاجِ إِنْشَاءَ اللَّهِ. Lui est un adepte de la sunna et il sera sauvé si Allah le veut. مَنِ اتَّبَعَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ مَعَ الْيَقِينِ وَالْإِيمَانِ فِي قَلْبِهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. Celui qui suit ce qu'il y a dans le Coran et la sunna avec certitude et croyant en cela, il fera partie de la, du groupe sauvé. لِأَنَّهُ يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ لَمَّا سُئِنَ عَنِ الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ. Donc il dit, ceci est en conformité avec la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé sur le groupe sauvé. قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont sur ce sur quoi moi je suis et mes compagnons, dans une version sur quoi moi je suis aujourd'hui et mes compagnons. Non. Rassel. قال المؤلف رحمه الله واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. Et sache que si les gens s'abstiennent d'apporter des choses nouvelles en religion, ne rentrent pas dans les innovations et n'apportent pas de paroles au sujet desquelles aucune trace remonte au prophète صلى الله عليه وسلم n'existe ni à ses compagnons, alors ce n'est pas une innovation. À la fin, c'est entendu, je pense. Ouais. Ils ont dit, à la fin, alors ce n'est pas une innovation. Alors, là, il dit, il n'y aurait pas eu d'innovation. Voilà. Non, il n'y aurait pas eu d'innovation. Chaque explication, il dit, « لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور » Donc après le texte en gras, « لو أن الناس » Si les gens, ils se seraient abstenus de faire, de ramener des nouveautés. معناه لو توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنة. Si les gens n'auraient pas ramené des nouveautés ou n'auraient pas mis en application des nouveautés, ou se seraient limités à la sunna, ولم يخرجوا عنها إلى البدع لحصلت لهم النجات. Les gens, ils auraient été sauvés. Il n'y aurait pas eu d'innovation, pas de nouvelles choses dans la religion. Les esprits n'auraient pas été perturbés. لكن من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صار مع المبتدعة. Celui qui dépasse, il cherche à outrepasser la sunna et qui ramène des nouvelles paroles qui n'ont pas de preuve ni du Coran ni de la sunna du messager صلى الله عليه وسلم, et bien tout simplement il se retrouve avec les innovateurs, avec ceux qui ramènent des nouvelles choses. Et il va mettre le pied quelque part dans une secte. Il n'y a pas d'autre solution. فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليها رسول التي تركنا علينا عليها عليها plutôt personne عليها. Non, corrigez-moi là. تركنا عليها Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il n'y a pas de voie de sauvetage si ce n'est la voie que le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. Qala alayhi salam, inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vais vous laisser ce don, si vous vous attachez fermement, vous ne vous égarerez pas après moi. Kitab Allah wa sunnati, le Coran, le livre d'Allah et ma sunnah. Wa fi hadithin akhar, taraktukum ala al-bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je l'ai laissé sur la blanche, la voie blanche, de nuit comme de jour, ne s'écartera de celle-ci ou ne déviera de celle-ci que quelqu'un voué à la perdition. هذا سبيل النجاة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأه هو شرح لهذا الأمر. Donc il dit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ce sur quoi étaient les compagnons, et ce livre-là contient cela, contient la voie de rectitude, contient ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la sunna, et tout ce livre-là est une explication de ce point-là. Ensuite, point 112, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, قال المؤلف رحمة الله عليه وعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. Et sache qu'il n'y a aucune chose qui s'interpose entre une personne et sa foi, pouvant le mener à la mécréance, si ce n'est qu'il rejette une chose parmi ce qu'Allah a révélé, ou qu'il ajoute quelque chose aux paroles d'Allah, ou qu'il en diminue quelque chose, ou qu'il blâme une chose au sujet de laquelle Allah s'est prononcé, ou une chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Alors crains Allah et qu'il te couvre de sa miséricorde. Surveille ton âme et prends garde à l'exagération dans la religion, car elle ne fait aucunement partie du chemin, du cheminement vers la vérité. الشرح explication قوله واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. Et sache qu'il n'y a aucune chose qui s'interpose entre une personne et sa foi pouvant le mener à la mécréance si ce n'est qu'il rejette une chose parmi ce qu'Allah a révélé. يعني أن نواقض الإسلام كثيرة. C'est-à-dire les annulants de l'islam ils sont très nombreux. قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا. Quelqu'un il peut être croyant, musulman, avoir une véritable conviction et être véridique dans sa conviction. لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام. Mais comme la personne elle est rentrée dans l'islam, elle peut en ressortir. Elle peut apostasier et en ressortir à travers la mise en pratique d'un annulant parmi les annulants de l'islam. وهي كثيرة يجمعها أربعة أنواع. Les annulants de l'islam sont très nombreux et ils sont de quatre. Ils peuvent émaner en fait de quatre moyens, si on peut dire ça comme ça. Al-qawlu wal-fi'lu wal-i'tiqadu wal-shakku. C'est-à-dire, tu peux sortir de l'islam à travers une parole, à travers un acte, à travers une conviction ou à travers un doute. Al-awwalu al-qawl. Qawlu kalimati al-kufr. Tu peux sortir de l'islam à travers une parole de mécréance. Qala ta'ala idha qala kalimata al-kufr ghayra mukrahin. غير مكرهين فمكرهون مضاف إليه يكفر. S'il dit une parole de mécréance et il n'est pas sous la contrainte, c'est-à-dire on ne l'a pas forcé à la dire avec les paramètres qui viennent derrière la contrainte, il sort de l'islam. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Allah dit dans le Coran, ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont dit la parole de mécréance, ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Surat 9, verset 74. كان يدعو غير الله يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الأموات وغيرهم يكفر بذلك. Quelqu'un qui invoque autre qu'Allah, quelqu'un qui demande secours à autre qu'Allah, dans une chose qu'il n'y a que Allah qui peut le secourir dedans. Parmi les morts par exemple, il va chez un mort dans une tombe et il lui demande, ou bien il lui demande à distance. Il sort de l'islam à travers cela. لِأَنَّهُ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ. Pourquoi ? Il a invoqué autre qu'Allah. أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فِيهِ سُخْرِيَ بِالدِّينِ. Ou bien quelqu'un, il se moque de la religion. أَوْ بِالْكِتَابَ وَالسُنَّةِ. Il se moque du Coran. Il se moque de la sunna du messager. قَالَ تَعَالَى وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ. Donc le surat Tawbah 9, versets 65 et 66. Si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah de ces versets, le Coran et de son messager que vous vous moquiez? Il dit ensuite, ne vous excusez pas, vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. فَالَّذِينَ يَسْتَهْزِئُوا بِالسُنَّةِ أَوْ بِالْقُرْآنِ يَكْفُرُوا وَلَوْ كَانَ مَازِحًا مَا لَمْ يَكُنْ مُكْرَهًا. Sur ce verset-là, il y a une divergence entre les ulama. est-ce que ces gens-là c'était des hypocrites ou est-ce que c'était des croyants? Cheikh Al-Fawzan, dans Nawaqid al-Islam, il dit ces gens-là c'était des croyants. Il prouve ça à travers quoi? Allah il dit qad kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après avoir eu la foi. Cheikh Salah al-Cheikh dans Kitab al-Tawhid, il dit hada al-qawl ghalat, cette parole elle est fausse parce que les versets qui précèdent et les versets qui succèdent sont tous sur les hypocrites. Donc il dit ces versets qui sont au milieu automatiquement ils parlent des hypocrites. Allahu a'lam bis-sawab. Les deux paroles elles sont comment dire, quand tu regardes les ta'lilat, comment ils ont expliqué ça, les deux paroles elles se tiennent. Donc Allahu a'lam, est-ce que c'était des hypocrites déjà avant ça, avant hadith al-haditha, ou bien c'était des croyants qui à travers ça sont devenus kuffar yani. Le kalam Cheikh Al-Fawzan, vous le trouvez dans Nawaqid al-Islam al-Mutawwal, l'explication détaillée, et kalam Salah al-Cheikh dans al-Tamhid Sharh Kitab al-Tawhid. Il dit فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر ولو كان مازحا ما لم يكن مكرها. Celui qui se moque de la sunna ou bien du Coran, il sort de l'islam, même s'il plaisante. Même s'il plaisante. C'est un sujet où il n'y a pas de plaisanterie. Tant qu'il n'est pas sous la contrainte. Mukra. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Allah dit dans le Coran, sourate 16, verset 106. Quiconque a renié après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de sérénité de la foi. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Celui qui est son cœur, il est serein de la foi, mais il a prononcé la parole de mécréance car on l'a forcé. Sourate 16, verset 106. أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر. Celui qui dit ça de son plein gré, هذا il sort de l'islam. Il n'y a pas de discussion dessus. Ça c'est al-qawl, la parole. À travers la parole, tu peux sortir de l'islam. Donc la personne, il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit, la personne, elle peut, elle dit parfois des paroles, elle ne lui donne pas d'importance, elle tombe dans l'enfer, la durée de 70 années. 70 années. Tout ça à cause d'une parole. لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. Donc la parole, c'est quelque chose, comme disent les savants, la langue, tu peux faire plein de choses de bonnes avec, tu peux faire plein de choses mauvaises avec. Et zikr, ça ne te fatigue pas ta langue. Et sab ou shatm, ça ne te fatigue pas ta langue. Et les deux, ça ramène de graves conséquences, bonnes ou mauvaises. Donc le qawl, première manière. Deuxième manière, al fi'l, l'acte. Al thani, al fi'lu. كان يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يسجد لغير الله يسجد للضريح هذا فعل. Donc il dit quelqu'un qui égorge pour autre qu'Allah. On a déjà vu dans Kitab al-Tawhid ou bien dans Thalathat al-Usul ou dans d'autres passages que celui qui égorge pour autre qu'Allah, c'est de la mécréance majeure. C'est du shirk majeur. Quelqu'un qui égorge pour autre qu'Allah. La'an Allah man dhabaha li ghayri Allah. Comme dans le hadith de Ali dans Sahih Muslim. أو ينذر لغير الله. Celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah. Un vœu, on a dit, c'est quelqu'un qui voue une adoration. Par exemple, il dit, Allah, je te voue de jeûner 3 jours. Ça, tu le voues à Allah, al-Nadr. Mais tu le voues pas à autre qu'Allah. Quelqu'un qui est dans une tombe, tu lui voues une adoration. Je voue à un tel, Sayyid un tel, de lui égorger 3 bêtes pendant ce mois-là. Ça, c'est une adoration de shirk. Ça, c'est des exemples. Et Nadr, il peut être très large. Celui qui se prosterne à autre qu'Allah. Sujud ibadah, c'est une adoration qu'on ne voue que à Allah. Par contre, à l'époque, ils avaient sujud al-tahiyya, comme à l'époque de Yusuf alayhi salam, ou à l'époque de quand Allah il a ordonné de se prosterner à Adam. Ça, ils appellent ça sujud al-tahiyya. Parce que quelqu'un pourrait dire comment ça se fait, Allah il leur a ordonné de se prosterner à une créature. C'est pas une prosternation d'adoration. Et deuxièmement, l'ordre, il provient d'Allah. Donc là, yunaqash. L'ordre vient d'Allah. Tu cherches pas à discuter, à dire pourquoi ou comment. Dans notre législation, il n'y a que la prosternation d'adoration. Donc la prosternation, celui qui l'a fait autre qu'Allah, il sort de l'islam. يَسْتُدُ لِلْبَرِيحِ, celui qui se prosterne à un mausolée ou à une tombe. هَذَا فِعْل. Donc ça, c'est des exemples d'actes qui font sortir de l'islam. Pour le nadr ici, c'est le fait de... C'est pas juste la promesse. C'est-à-dire vu qu'il l'a mis dans l'acte, l'honneur, c'est la promesse, ça rentre dans les paroles. Oui. Et après, c'est le fait de mettre en application. Par exemple, quelqu'un yandur, comme on a dit, dégorger une bête. Ça revient à dhabh, mais quelque part, c'est un nadr. C'est-à-dire, il est allé chez cette personne-là, il lui a voué quelque chose. Si tu donnes un enfant à ma fille, ou si tu me donnes un enfant, af'al lak kada, je te ferai telle chose. Donc, c'est un acte qu'il va faire derrière. La nadr, il rentre dans la parole et l'acte. On peut le rentrer dans les deux, oui. Parce que nadr, ibada, et n'importe quelle adoration qu'on voit autre qu'Allah, c'est shirk. C'est une parole qui englobe un acte. Comme dans la parole de Cheikh l'Islam, Hanif al-Abdelhab, « Man salafa minha shay'in ghalillah, fa hu mushrikun kafir » Tout simplement. Al-thalith, awli i'tiqad bil-qalb. Conviction avec le cœur. Qala, al-Sheikh wa faqahullah, kan ya'taqid as-sahhat al-kufr. Comme quelqu'un qui dit que la mécréance, c'est valide. La conviction des Nasara, des chrétiens, la conviction des juifs, des bouddhistes, des athées, etc. Tout ça, là-bas, sabihi, c'est bien. Wa sahhat ma'alihi al-kuffar. Ils disent les kuffars, ils sont sur une voie, et nous on est sur une voie, et c'est la même chose. Les deux, ils sont justes. كالذي يعتقد صحة ما عليه اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. Comme celui qui dit que les juifs et les chrétiens sont sur une voie qui est juste après l'arrivée, la venue du prophète صلى الله عليه وسلم. Tout ça c'est kufr. Donc اعتقاد وحدة الأديان, les ulama ils ont dit que c'est la mécréance. De faire réunir les trois religions en une seule, c'est de la mécréance. لا يجتمع الحق والباطل. Quatrième et dernière sorte, رابع أو شك, un doute. Quelqu'un qui a un doute sur le Coran. Est-ce que le Coran est juste ou il n'est pas juste? Est-ce que tel verset, il est juste ou il n'est pas juste? Ou bien il doute sur ce qui a été rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam parmi les hadiths. Donc ça c'est les quatre fondements à travers lesquels une personne elle peut sortir de l'islam. La parole ou l'acte, la conviction ou le doute. قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ اِعْتِقَادٌ أَوْ شَكٌّ ثُمَّ يَنْشَوْ عَنَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ أَنْوَعَ مِنْ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ كَثِيرَ ذَكَرَهَا الْعُلَمَاءَ. Donc il dit, à travers ces quatre bases ou fondements, émanent nombre d'annulants de l'islam. وَقَدْ لَخَّصَ مِنْهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدْ بْنَ عَبْدِ الْوَهَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ رسالة ذكر فيها عشرة نواقض من أخطرها وأهمها. Donc il dit, l'auteur Mohamed ibn Abd al-Wahhab, al-Tamimi al-Najdi, rahimahullah, a cité dans sa fameuse compilation 10 annulants, qui sont les plus graves, les plus importants, et plus dangereux, si on peut dire ça. وإلا فالنواقض كثيرة مذكورة في باب حكم المرتد من كتب الفقه. Sinon, vous trouvez ça dans les livres qui traite la jurisprudence, il y a toujours un chapitre qui traite de l'apostat. Et là, il cite à travers quoi une personne, elle peut. L'apostat, on a dit, c'est quelqu'un qui rentre dans l'islam et qui en ressort. Ce n'est pas un mécréant de base. L'apostat, quelqu'un qui rentre dans l'islam, puis il en est ressorti. Ou bien quelqu'un qui rajoute dans les paroles d'Allah ou enlève. Yazidu ayatan ou harfan fi kalamillah. Ou yanqusu harfan ou ayatan min kalamillah. Il enlève des versets, ou bien ne serait-ce qu'une lettre des paroles d'Allah, ou rajoute une lettre ou un mot ou bien des phrases ou des versets dans les paroles d'Allah. فَهَذَا يَكْفُرُ وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. Celui-ci sort de l'islam. لِأَنَّهُ مُحَرِّفٌ لِكَلَامِ اللَّهِ مُغَيِّرٌ لِكَلَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Car il a falsifié les paroles d'Allah, il a changé les paroles d'Allah. فَالْقُرْآنُ كُلُّهُ حَقٌّ وَكُلُّهُ كَمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Le Coran est tout entier vérité et tout entier descendu sur le prophète صلى الله عليه وسلم. لم يغير ولم يبدل. Rien n'a été changé en lui. وهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. Il est préservé car Allah l'a préservé de l'altération, de la falsification, du changement, de l'ajout, de l'amoindrissement. ولا أحد يستطيع أن يغيره. Personne ne peut le falsifier. لكن من حاول فإنه يكفر ويخرج من الإسلام. Celui qui cherche à faire cela sortira de l'islam. ولن يغير القرآن أبدا. لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. Et يعني sa ruse, elle va pas réussir. قوله أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Quelqu'un qui blâme ou qui réprouve quelque chose qu'Allah a cité ou quelque chose que le messager صلى الله عليه وسلم a cité. أو ينكر شيئا من القرآن يقول هذا لا يصلح لهذا العصر. Quelqu'un réprouve ce qu'il y a dans le Coran, il dit ça ne va pas à notre époque à nous. أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا يصلح في زمان مضى Voilà, yasluhu li hadarat al-yawm. Quelque chose qu'il y a dans le Coran ou dans la Sunna, il dit ça, c'était bien pour l'époque précédente. Et ça ne va pas dans notre époque à nous. يعني القرآن والسنة إنما هي لعصر مضى وعصور مضت. Quelqu'un qui dit le Coran et le Sunna, ça c'était pour l'époque antique. Maintenant, ça va pas. On ne peut plus le mettre en application. Et ce n'est pas louable. Et ce n'est pas une réforme. هذا يكفر والعياذ بالله وكثير ممن يقولون إن أحكام الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا تنطبق على هذا الزمان. وهذا كفر صريح. Beaucoup disent que les lois de l'islam de la charia sont descendues à une époque qui était conforme avec cette époque-là. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas conforme. Et ça ne va pas. On ne peut pas utiliser ces choses-là. Et ça, c'est de la mécréance qui est claire. Et fa ida sahha al-hadithu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ou an rasul sallallahu alayhi wa sallam fala yajuzu inkaruhu ou yuqalu hadha ma yuslihu li hadha az-zaman. Il dit, si le hadith est authentique de la part du messager sallallahu alayhi wa sallam, il est interdit de le réprouver ou bien de dire ceci n'est pas conforme à notre époque. قوله المؤلف رحمه الله دي فاتق الله خان دونك الله اتق الله أن يقع في نفسك شيء من هذه الأمور فتخرج عن دينك. Fais attention de tomber sur ce type d'annulant de l'islam, parole, acte, conviction ou doute, et tu vas sortir de l'islam sans t'en rendre compte. اتق الله compte اتق الله في نفسك ولا تزكي نفسك أو تأمن على دينك. Ne te lance pas des éloges te disant je suis loin de l'apostasie ou je suis sincère dans mes actes, ou ceci, cela, car tu risques d'être éprouvé. Qawluhu wanzur li nafsik. Regarde, Kevgal. Regarde toi-même. Surveille ton âme. Naam. Surveille ton âme. Unzur li nafsik la tanzur lin nas wa ma alayhi nas. Surveille-toi ta propre personne. Ne regarde pas les gens. Et tu surveilles les gens. Unzur li nafsik. Qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu. Alaykum anfusakum. La yadurrukum man dalla idha htadaytum. Allah dit dans le Coran, sourate numéro 5, verset 105. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous, vous avez pris la bonne voie. La taqul hadha alayhi an-nas kulluhum. Comme beaucoup de gens ils disent aujourd'hui. Ils disent tout le monde y fait ça. Telle chose tu lui dis, tu dis tout le monde y fait ça. Et Cheikh dit, il ne faut pas dire ce type de parole. Il dit, il ne faut pas dire ce type de parole. Les gens, tout le monde fait ça. Unzur li nafsika, unju bi nafsik. Sauf ta propre personne. Sauf ta propre personne. Nas, da'hum anka. Idha lam yaqbalu al-haqqa fa anta uthbut alayhi wa la taghtarra bima alayhi an-nas. Reste sur la, raffermis-toi sur la vérité, ne regarde pas ce sur quoi sont les gens. Qawluhu wa iyyaka wal-ghuluw fi ad-din. Al-mu'allif rahimahullah dit il prend garde à l'exagération dans la religion. Qala hadhihi nahiyatun ukhra li'anna ad-din yakhruju الإنسان منه بأحد أمرين. Donc il dit fais attention. C'est un autre point encore, c'est-à-dire la personne peut sortir de la religion à travers une de deux choses. إما بتركه أو ترك شيء منه زهدا فيه. Quelqu'un qui délaisse quelque chose, car il s'en outrepasse زهدا فيه, il n'en a pas besoin. أو وإما بالغلو والزيادة في التشدد. Ou alors dans l'autre sens. Dans le relou ou ziyada fi tashaddud, c'est-à-dire quelqu'un qui va être poussé à exagérer. Quelqu'un va être poussé à exagérer. Et ça, ce qu'a cité l'imam Ibn al-Jawzi, dans Talbis Iblis, ou Ibn al-Qayyim, dans un autre livre. Il dit que Shaitan il cherche à te pousser là où il voit ta faiblesse. S'il voit que tu es quelqu'un qui penche vers le laxisme, il va te pousser vers le laxisme, te disant ça, c'est pas la peine, t'as pas besoin, kada. Et s'il voit que t'es quelqu'un de dur, il va te pousser vers l'extrémisme. Là où ton âme elle penche, il va t'enjoliver cette chose-là, comme ça tu tombes dedans, et tu crois que toi, t'es sur la droiture. Alors que non, tu es extrémiste ou bien laxiste. Il dit, فَالْخُرُوجُ مِنَ الدِّينِ يَحْصُلُ إِمَّا بِالتَّسَاهُلُ وَإِمَّا بِالتَّشَدُّدُ. Soit à travers le laxisme, ou à travers l'extrémisme, tu vas sortir de la religion. فَعَلَيْكَ بِالْوَسَطِ بَيْنَ التَّسَاهُلِ وَالتَّشَدُّدِ. Ne sois ni là ni là. Mais soit médian. وهذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Et c'est ce sur quoi était le messager عليه الصلاة والسلام et ses compagnons. والغلو يخرج الإنسان من الدين. L'exagération fait sortir la personne de la religion. كما أخرج الخوارج قال صلى الله عليه وسلم يمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالغلو يخرج الإنسان من الدين. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit à propos de la religion, à propos des خوارج, Il a dit sorte de la religion comme sort la, la flèche de son arc. Donc إما إخراجا كاملا إلى الكفر وإما إخراجا جزئيا بحسب ما يحصل له. Soit la personne va sortir de la religion de manière complète, elle va sortir d'un état musulman, elle va sortir d'un état, c'est-à-dire la personne elle est musulmane, elle va rentrer dans la mécréance, ou alors il va s'éloigner de là, du caractère médian et de la droiture, il va aller vers une des deux les extrémités. وقد يكون الغلو في الدين في العبادة مثل غلو النصارى في الرهبانية ومثل الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله فلما أخبروا كأنهم تقالوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il dit, ça se peut que ce soit dans l'adoration, comme les chrétiens par exemple, qui vont exagérer dans l'adoration. Et ceux qui sont venus chez le prophète صلى الله عليه وسلم en interrogeant, ces femmes plutôt, en interrogeant sur ses actes, comment le messager صلى الله عليه وسلم adorait Allah dans sa demeure. Lorsqu'ils ont été informés, كأنهم تقالوا تقالوا من القلة, c'est-à-dire ils ont jugé ça comme étant minime. Ils ont dit les actes du messager sont minimes, pas beaucoup d'actes. ولكن قالوا إن الرسول غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Ils ont dit le messager c'est le messager, il a des mérites qu'on n'a pas. Allah lui a pardonné ses péchés passés et à venir. يعني فليس هو بحاجة إلى كثرة العمل. Il n'a pas besoin d'œuvrer comme nous on doit œuvrer. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك غضب عليهم غضبا شديدا وخطب صلى الله عليه وسلم وقال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصلي وأنام لأن واحدا منهم قال أنا أصلي ولا أنام قال الثاني أنا أصوم ولا أفطر كل عمره يصوم وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء تبتل تفرغ للعبادة. Donc il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم après s'être mis en colère, il a sermonné les gens, il a dit par Allah je suis le plus craintif et le plus pieux envers Allah et je prie et je dors, c'est-à-dire la nuit je prie et je dors. Pourquoi? Parce qu'il y a un des compagnons qui est venu, hada ja fi hadith Anas عند البخاري ومسلم, il y a des petites différences dans le hadith, dans le texte, mais le madmoun c'est le même, le contenu c'est le même. Il a dit, un des compagnons a dit moi je prie et je ne dors pas la nuit. Un autre il a dit je jeûne et je ne romps pas, c'est-à-dire je vais jeûner toute l'année. Et le troisième il a dit moi je ne me marierai pas avec les femmes. Tabattala, tabattul, c'est justement délaisser le mariage, li ta'abbud. C'est délaisser le mariage, li ta'abbud, c'est-à-dire pour l'adoration. Quelqu'un qui ne se marie pas, c'est une loi, mais quelqu'un qui ne se marie pas par adoration, c'est une autre loi, c'est pas pareil. Qala sallallahu alayhi wa sallam, ama wallahi inni akhshakum lillah wa atqakum lahu wa inni usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa tazawwaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Vous avez le hadith en bas, en détail. Riwayat Muslim et Riwayat Al-Imam Al-Bukhari, rahimahumullah, jami'an. Donc, c'est ça le contenu du hadith. Fi riwayatin anna ahadahum qala la akulu al-lahma, qala sallallahu alayhi wa sallam, wa ana akulu al-lahma, wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Qasduhum al-khayr, walakin la yakfi al-qasdu, la budda min al-ittiba' ma' al-qasd. Donc ici, il dit dans une version, un des compagnons a dit, moi je ne mange pas de la viande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, moi je mange de la viande, et celui qui s'éloigne, s'écarte de ma sunna, ne fait pas partie de moi. On a dit, laïsa minni, c'est aussi une siyar al-kaba'ir. Les ulama, ils ont dit, ça fait partie des introductions, des termes qu'on utilise pour montrer que c'est un grand péché. Donc, le cheikh dit que ces compagnons-là avaient une bonne intention. Ils n'avaient pas une mauvaise intention. Mais la bonne intention ne suffit pas. Il faut impérativement le suivi conforme et la bonne intention avec. La budda min ittiba' al-sunna. مع القصد والنية الصالحة أما نية صالحة بدون اتباع فإنها لا تنفع صاحبها. Donc il dit il faut un bon acte avec une bonne intention, car la bonne intention seule ne sera pas profitable envers son adepte. قال المؤلف رحمه الله, juste encore ce passage, وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع. L'ensemble des points que j'ai décrits dans ce livre proviennent d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons et des successeurs, et de la troisième génération, et ce jusqu'à la quatrième. قوله وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. جميع ما ذكر في هذا الكتاب من أصول الاعتقاد فإنه مأخوذ من كتاب السنة. Tout ce qui a été cité dans تنصرف ايه روح تفضل comme salam. Et tout ce qui a été cité dans ce livre là, ça fait partie des choses qui ont été prises dans dans le Coran et dans la Sunna. Ma ata al mu'allif bi shay'in min 'indihi rahimahullah. Dit l'auteur n'a pas ramené quelque chose de lui-même. Bal bima kana 'alayhi salaf hadhihi al umma wa la yahdatha qawlan min 'indihi. Donc il dit il a pris ce sur quoi était les pieux prédécesseurs. Il n'a pas ramené des choses de chez lui. Wa innama huwa hikayatun lima fi al kitab wa as-sunnah wa ma 'alayhi salaf hadhihi al umma. فهو يصف الطريق السليم الذي من سلكه نجا بإذن الله. L'auteur te montre la voie de rectitude, que celui qui emprunte cette voie-là sera sauvé, Inch'Allah. قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a pris ça du Coran et de la Sunna. لأنه مستند إما إلى القرآن الكريم وإما إلى السنة النبوية فهو عن الله وعن رسوله. C'est-à-dire ce qu'il a pris, ça vient soit du Coran, soit de la Sunna. Ensuite l'auteur dit wa an ashabihi wa an at-tabi'in, ou bien des compagnons et de leurs successeurs. Wa kadhalika aydan ma dhukira fi hadha al-kitab fa huwa an al-qurun al-mufaddala allati athna 'alayha ar-rasul sallallahu 'alayhi wa sallam. Qala khayrukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ensuite il a pris des paroles des compagnons et des successeurs. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu 'alayhi wa sallam a dit la meilleure génération c'est la mienne, puis celle qui suit, puis celle qui suit. Qala ar-rawi 'Imran ibn Husayn, le compagnon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, a dit, c'est lui qui a rapporté ce hadith là, qala la adri dhakara ba'da qarnihi ithnayn aw thalatha. C'est-à-dire le compagnon dit, je sais pas s'il a cité après sa génération à lui deux ou trois générations. Tusamma al-qurun al-mufaddala hiya arba'at qurun aw thalathat qurun amarna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bil ihtida'i bihim. Trois générations, quatre générations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de prendre exemple sur eux. والله جل وعلا يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله dit dans le Coran verset 100 de surat 9, il est tout premier parmi les émigrés et les émigrants et les auxiliaires, c'est-à-dire les médinois et ceux qui les ont suivis dans le bien. القرون المفضلة التابعون وأتباع التابعين كانوا يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بإحسان. Ceux qui ont suivi dans le bien, les compagnons, et ensuite ceux qui ont suivi dans le bien. يعني بإتقان, à la perfection. الإحسان المراد به الإتقان ليس الذي ليس فيه غلو وليس فيه تساهل. C'est-à-dire ceux qui les ont suivis dans le bien, ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ceux qui les ont suivis à la perfection, sans exagérer et sans être laxiste. ويكون عن علم بما هم عليه. هذا هو الإحسان. Il dit, ils savaient ce sur quoi étaient ceux qui les ont précédés, ils les ont suivis. فكم ممن يدعي انه على منهج السلف ولكنه لا يتبعه باحسان. Combien de gens aujourd'hui prétendent être sur la voie des prédécesseurs mais ne suivent pas avec perfection. لانه لا يعرف منهج السلف, tout simplement parce qu'il est ignorant, il connaît pas. Donc comment il va suivre quelque chose qu'il ne connaît même pas. ويظن ان هذا الفعل او هذا القول انه من قول السلف او فعلهم. Il fait des choses ou il dit des choses, considère que c'est la voie des prédécesseurs alors que ce n'est pas le cas. فلا يكون بإحسان. Donc il ne va pas suivre à la perfection. لا بد إذا أردت أن تنهج منهج السلف أن تتعلم طريقتهم. Donc si tu veux suivre la voie des prédécesseurs, il faut que tu connaisses le chemin qu'ils ont emprunté. وهذا الكتاب من الكتب التي تصف لك طريقة السلف وتبينها لك. Donc ce livre là est un tremplin à travers lequel tu vas connaître la voie des prédécesseurs et ce sur quoi ils étaient. قوله عن القرن الثالث إلى القرن الرابع, c'est-à-dire après les compagnons et les successeurs, la troisième et quatrième génération. القرون التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي ثلاثة قرون, الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والرابع من بعد أتباع التابعين. وإذا تأملت وجود الأئمة ووجود الحفاظ وجدتهم في هذه القرون. Il dit, ceux qui les ont suivis dans le bien, les successeurs et ceux qui ont suivi encore par la suite après. Et il dit, si tu regardes l'existence des grandes références qu'on utilise aujourd'hui, et l'Hufad, les grands connaisseurs du hadith et d'autres domaines, tu les trouveras dans cette période-là. فيها الأئمة الأربعة, par exemple les quatre imams, Abu Hanifa, Malik, والشافعي وأحمد, وفيها من الأئمة الكبار, النجوم النيرة, des grands savants qui sont venus à cette époque-là également, des étoiles illuminées, كلهم في هذه القرون, كلهم في هذه القرون. Tout cela était dans cette époque-là. وهذا مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et ça c'est conforme à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ma génération, puis la génération qui suit, puis la génération qui suit. Et c'est par ça qu'a terminé Cheikh al-Islam son poème Al-Lamiya, qui est en cours en 16 vers. À la fin il dit هذا اعتقاد الشافعي ومالك وابي حنيفة ثم احمد ينقلوا. Il dit cette conviction que je t'ai donnée, où il parle de différentes choses, de l'Hawd, de l'Mizan, de As-Sirat, de Hubb al-Sahaba. Il parle de beaucoup de choses dans ce poème-là qui est court. Il dit voici la conviction de Shafi'i et de Malik, de Abi Hanifa, et c'est également rapporté de Ahmad. Il dit فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفَّقٌ. Si tu suis leur voie, tes quatre, tu seras sur la droiture. وَإِنِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُعَوَّلُ. Par contre, si tu innoves, on ne peut pas se reposer sur toi. Si tu innoves, tu ne peux pas se reposer sur toi. Donc les quatre imams, ils rentrent, comme le cheikh l'a dit ici, dans les grandes références qui sont à suivre dans ce domaine. Le cheikh Najmi, rah al-hal, al-kulli-hal, il y a qu'il y a un débat de ta'liqat sur certaines paroles de l'auteur. Il dit yani, que ce n'est pas l'absolu, prendre les paroles de l'auteur comme il a dit. Tout ce que tu trouves dans ce livre-là, fahou anil kitab al-sunna, il y a ba'd al-mawadi', comme quand il parlait de naqat salih, où il avait parlé de adon haoud, haoud salih ou quelque chose comme ça. Il avait dit, Cheikh Najmi, il a dit, la'arifu dalil fi hada, ba'd al-masail. Tu vois, les ulama, ils prennent ça avec précaution. Ils disent, moi, je ne connais rien là-dessus. Ils ne disent pas, ça n'existe pas. Ils disent, moi, cette chose-là, je ne la connais pas, je n'ai pas trouvé de trace à ce sujet, je ne connais pas de hadith à ce sujet. Et eux, ils peuvent dire ça contrairement à nous. Parce qu'ils ont, hato, yani bil ilm, bil kutub hadhihi, ils ont étudié, etc. Donc, ils peuvent dire ça. C'est pas n'importe qui peut dire ça. Donc il y a des choses que l'auteur aurait pu citer, ou il y a des commentaires à dire. Il y a peut-être, c'est faux, le Cheikh Najmi, sur certains points. Dans un passage, il a dit Allah n'yaghfir al-barbahari hadihi al-kalima. Il a akhta fiha. Il dit que yani, tout ce que tu trouves dans ce livre-là, fahu anillahi wa rasulihi, ou bien ce que tu trouves dans ce livre-là, c'est juste, etc. Le Cheikh Fawzan, il le prend dans le bon sens en disant que. Il veut dire ce que contient ce livre-là. Personne ne peut faire une erreur dans son livre. Mais il veut dire dans le contenu, dans la généralité. Wallahu a'lam. Comment tu as traduit le Rahbaniya, c'est Ta'abbud. Ta'abbud, je vais te dire dans Surat al-Hadid, Allah il a cité ce mot. Rahbaniya tanibtada'uha ma katabnaha alayhim illa btira ridwanillah wa ma ra'uha haqqa ri'ayatiha. Je vais te dire comment ils l'ont traduit. Non. Dans le hadith. Bon, on veut surat verset 27. Le monachisme, ils disent. Monachisme. C'est ta'abbud. Rahbaniya, c'est ta'abbud. Et d'ailleurs, le rohban, les ulama, ils disent c'est l'ubbad. Itqan, c'est la perfection. Et même certains qui disent que le mot technologie en français, il est dérivé de ce mot-là en arabe. Atqanashi, itqan, technologie, tu vois, ça vient de là. Technologie, c'est si tu veux la perfection dans l'avancement et tout ça. Ça veut dire qu'ils ont suivi à la perfection. À la perfection. Au cheikh, il insiste, comme on avait vu ça dans d'autres passages, comme quoi il faut l'ilm. Si tu veux suivre à la perfection, il faut que tu connaisses. Si tu ne connais pas, tu ne peux pas les suivre à la perfection. Et ils disent que les compagnons, Allah les agrée à l'absolu, et les gens qui viennent par la suite, c'est selon le suivi, selon celui qui suit. Fikum barakallah. Hada wallahu ta'ala alam, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.